peu de lumière et trop de poussière. Je suis pas une bonne ménagère. Rien à manger, je suis pas fier des clichés de célibataire. Quand je sens que les murs autour de moi se resserrent, je connais un endroit sûr qui m'est toujours ouvert. Et ce soir je vais chez elle, on va refaire le monde. Changement d'atmosphère, maison de lavandière, s'il y a des fleurs dans l'air, je suis si bien accueilli, bois de biscuits, j'ai un peu honte, c'est clair. Et souvent je promets de bientôt prendre soin d'elle. Elle sourit, me connaît. Tu as déjà mille chandelles. Ce soir je vais chez elle, on va refaire le monde. Je vais chez elle. Je vais chez elle, on va refaire le monde. Je vais chez elle. Autour d'une tasse de thé, sur la belle toile cirée, on se raconte. On regarde des feuilletons débiles en mangeant des glaces vanille. Et puis quand on digère, on allume des bougies et le cœur à ciel ouvert. On parle de l'ancien temps et on refait nos vies.